un soir depuis tu es parti. Poursuivre le chemin de ta vie. Tu parcourus la terre en vain. Au gré du vent et de la faim. Wait for the morning, burn the sky of blues, yeah. Sois gentil ma fille, sois gentil ma fille, sois jolie ma fille, en dansant la biguine. Sois gentil ma fille, sois gentil ma fille, sois jolie ma fille, en dansant la biguine. Quand tout à coup elle apparut, une lettre de toi fut l'inconnu. Tu disais que là-bas il y avait une place pour toi et que tout le monde était sympa. Tu disais que le soleil était là et que le rat ne manquait pas. Un peu de cuivre, un peu de salsa et les tam-tams, tout était là. Sois gentil ma fille, sois gentil ma fille, sois jolie ma fille en dansant la biguine. Sois gentil ma fille, sois gentil ma fille, sois jolie ma fille en dansant la biguine. Et sur ce passage de la vie, on comprenait enfin pourquoi. Mais sur ce passage de la vie, oh non, on n'y croyait pas. Il apprend sa guitare et son bardin. Il nous quitta d'un air narquois en nous disant ciao les gars. Et le refrain changeant parfois selon les fourmis qui étaient là. Sois gentil mon fils, sois gentil mon fils, sois poli mon fils avec la milice. Sois gentil mon fils, sois gentil mon fils, sois poli mon fils avec la milice. Et que ce passage de la vie, on comprenait enfin pourquoi. Et que ce passage de la vie, oh non, on n'y croyait pas. Sois gentil ma fille, sois poli mon fils. Sois gentil ma fille, sois poli mon fils. Gentil ma fille, poli mon fils. Gentil ma fille, poli mon fils. Gentil, poli.